Plus rien ne sera comme avant, puisque l'ami, tu m'es parti. Que vais-je dire à tes parents, toi, qui leur as toujours menti, que dans ta vie, t'as pas eu de chance, que tu l'as prise dans le mauvais sens, que t'es parti à reculons, que trop souvent, tu as oublié de dire pardon. Ou dois-je leur dire, tout simplement, que dans tes veines, il n'y a pas que du sang, qu'il y coule cette foutue dope qui a fait de toi une vraie taupe. Que deux fois par jour, tu te payais un aller-retour, un coup de seringue dans le bras, pour être ailleurs, pour plus être là. Que pour avoir ta petite dose, pendant des heures, t'as pris la pause, cette longue attente des accrochés, qu'attendent leur shoot pour s'envoler. Tu vois l'ami, tu vois le camé, t'as peut-être bien fait de crever, car avec la mort, t'as retrouvé un petit semblant d'humanité. J'ai en moi ton putain de vide, de celui qui serre le bide. Ta vie n'aura été qu'un rêve dérisoire, fusillé par trop d'espoir illusoire. Adieu l'ami, adieu le camé, et merde, pourquoi faut-il qu'à jamais tu me sois abandonné? Que la mort soit si débile, si débile.